Bienvenue sur Réunion Première, il est 10h, le journal de France Info. C'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. L'État sort le carnet de chèques pour sauver l'usine Alstom de Belfort. 16 TGV vont être commandés. Nous irons sur place dans un instant voir si les salariés sont satisfaits. Vos papiers, s'il vous plaît. Une phrase que certains Français entendent un peu trop à leur goût. Ils se disent victimes de contrôles policiers au faciès. La Cour de cassation examine cette pratique aujourd'hui. Washington, suspens. C'est pour parler avec Moscou sur la Syrie. La Maison-Blanche se dit à bout de patience. Samson et Dalila, l'un des opéras français les plus joués au monde. Une nouvelle version est présentée ce soir à Paris. France Info. Et d'abord donc l'État qui vient à la rescousse d'Alstom Belfort. Il compte commander 16 rames de TGV à l'usine historique du groupe dont l'activité est menacée d'être transférée en Alsace. Bonjour Isabelle Raymond. Bonjour. Vous êtes en direct de Belfort pour France Info. Alors cette annonce est connue depuis hier soir. Elle doit être officialisée ce matin. Oui, l'État va passer commande de 16 rames TGV au total. C'est la principale annonce attendue et cela représente 32 motrices à fabriquer pour Belfort, soit un an et demi de travail. Une commande passée directement par l'État et non, comme c'est l'habitude, par le biais de la SNCF. Et ces trains rouleront, une fois n'est pas coutume, à petite vitesse sur des lignes intercités, à des trains qui ne seront pas forcément exploités par la SNCF puisqu'ils doivent être livrés à partir de 2020, ce qui coïncide avec l'ouverture du secteur ferroviaire à la concurrence. Deuxième annonce, elle concerne la diversification du site, réclamée depuis de nombreuses années déjà par les syndicats. Il est question de faire de Belfort le centre de maintenance européen au prix de lourds investissements dans l'usine. Les collectivités locales sont mises à contribution. Elles financeront l'électrification de la voie ferrée entre la gare de Belfort et l'usine, mais le gros des investissements sera à la charge d'Alstom pour un montant estimé de 70 millions d'euros. Isabelle, comment ce plan est-il perçu sur place à Belfort ? Alors pour l'instant avec méfiance, hein, les salariés veulent entendre les annonces de la bouche même du secrétaire d'État à l'industrie Christophe Sirugue pour y croire. Ils appellent à la grève, ils doivent défiler depuis l'usine à partir de 9h30 tout à l'heure jusqu'à la préfecture en centre-ville. C'est là que seront faites les annonces à la mi-journée et en fonction de leur teneur, en fonction de leur importance, eh bien ils enlèveront ou pas la grande banderole soutien aux Alstom qu'ils ont installée juste en dessous du Lion de Belfort. Isabelle Raymond en direct de Belfort pour France Info avec Laurent Macchetti pour les moyens techniques. Autre sauvetage, cette fois dans l'agriculture, le gouvernement présente ce matin un plan pour aider les céréaliers. La production de blé a chuté de plus de 30% cette année. La France a d'ailleurs perdu son titre de premier exportateur de blé en Europe. Les contrôles au faciès, une pratique controversée examinée ce matin par la Cour de cassation. L'État, mis en cause par 13 plaignants, a été condamné l'an dernier en appel pour des contrôles jugés discriminatoires. Mais le ministère de l'Intérieur avait décidé de se pourvoir en cassation. Stéphane Père. Ils sont étudiants, salariés ou sans emploi, 13 Français typés noirs ou arabes, et qui réclament une condamnation de l'État pour faute lourde, après des contrôles policiers qui, pour eux, cela ne fait aucun doute, étaient bien des contrôles au faciès. Régis et Salé font partie de ces plaignants. Je peux comprendre qu'ils veulent chasser les délinquants, mais délinquants ne sont pas que noirs et arabes. C'est pour ça que oui, je sors de l'ombre. Qu'on ne soit pas tout le temps catalogué comme délinquant, c'est lourd. Je vous assure qu'être contrôlé à répétition par la police parce qu'on sait, nous, parfaitement qu'on est arabe ou parce qu'on est habillé en survêtement, eh ben, à la longue, c'est usant. Ces contrôles-là viennent nous rappeler systématiquement qu'on n'est pas totalement français. En juin 2015, la Cour d'appel de Paris donne raison à 5 d'entre eux. Les contrôles ont été réalisés en raison de l'apparence physique ou de l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race, dit la Cour. L'État n'a pas démontré en quoi ces contrôles étaient justifiés. La décision de la Cour de cassation est attendue car elle peut faire jurisprudence. Le ministère de l'Intérieur n'a jamais reconnu la réalité du profilage ethnique lors des contrôles d'identité. Ces dernières années, sa seule réponse aura été le retour du matricule sur l'uniforme des policiers et l'arrivée des caméras piétons pour permettre aux agents de filmer les contrôles à risque et apporter la preuve de leur bonne foi. La maire de Calais veut empêcher la construction d'un mur anti-migrants dans sa ville. Natacha Bouchard estime maintenant que ce projet n'a plus lieu d'être puisque le gouvernement s'est engagé à démanteler la jungle. Elle a pris un arrêté hier pour interrompre les travaux. Mais dans la foulée, la préfecture a elle aussi pris un arrêté pour suspendre celui de la maire. La préfecture considère que ce mur est nécessaire pour sécuriser la rocade et empêcher les migrants de monter dans les camions. Emmanuel Macron est en meeting ce soir à Strasbourg, le premier depuis son départ de Bercy il y a tout juste un mois. L'ancien ministre de l'économie va livrer ce qu'il appelle son diagnostic sur l'état du pays. Un bilan établi à partir du travail de ses partisans, ses marcheurs qui ont fait du porte-à-porte cet été. À l'Assemblée aujourd'hui, une promesse de campagne de François Hollande, une loi pour réduire les inégalités entre la métropole et l'outre-mer, pour faire converger les niveaux de vie. Aujourd'hui, le PIB par habitant dans les DOM est de 30 à 80% inférieur, alors que le taux de chômage y est deux fois plus élevé. Il est 8h05 sur France Info, la fin de 10 mois de captivité pour une otage franco-tunisienne. Nouran Ouass était retenue au Yémen. Elle a été libérée hier soir, notamment grâce à l'intervention du sultanat d'Oman. Elle se trouve d'ailleurs dans la capitale, Mascate. On ne sait pas qui sont ses ravisseurs. Le Quai d'Orsay n'a pas donné d'informations à ce sujet. Nouran Ouass avait été enlevée le 1er décembre de l'an dernier à Sanaa, la capitale yéménite, où elle se trouvait pour une mission de la Croix-Rouge. Washington suspend ses pour parler avec Moscou sur la Syrie. Le dialogue sur le cessez-le-feu est impossible. Les Américains accusent la Russie de ne pas respecter ses engagements, notamment humanitaires. La partie rebelle d'Alep a encore été bombardée hier pour le 11e jour consécutif. Le plus grand hôpital du secteur a été détruit. À Washington, Frédéric Carbone. Le martyr que subit la ville d'Alep est la preuve tragique de l'échec de la tentative américaine de co-gestion du conflit syrien avec Moscou. Après des mois de négociations et 3 cessez-le-feu qui volent en éclats, Washington tire donc une conclusion inévitable. Tout le monde est à bout de patience avec la Russie, lance le porte-parole de la Maison-Blanche. Pour Josh Earnest, Moscou a simplement profité de la situation pour renforcer le régime de Bachar al-Assad. Cette décision est aussi un aveu d'impuissance et John Kerry ne cachait pas sa frustration à ses interlocuteurs syriens dès la fin septembre lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà un extrait de ses propos lors d'une réunion privée dont l'enregistrement a été obtenu par le New York Times. Le problème, c'est que la Russie ne se préoccupe pas des lois internationales alors que nous les respectons, explique le secrétaire d'État américain. Et un responsable rebelle qui l'interroge sur la retenue militaire des États-Unis, John Kerry répond « J'ai plaidé pour une intervention plus forte et je n'ai pas été entendu. » Washington. Frédéric Carbone, France Info. Des milliers d'évacuations en Haïti et à Cuba en raison de l'arrivée d'un ouragan, celui qui a touché la Martinique en fin de semaine dernière. Il est classé en catégorie 4 sur 5. Il y a déjà des inondations dans le sud-ouest d'Haïti sur le littoral. Le trafic aérien est suspendu. La suite des Nobel après la médecine hier, c'est le prix de physique qui sera décerné aujourd'hui. Ce sera juste avant midi. Et puis Mathilde, Samson et Dalila reviennent ensorceler Paris. Ça faisait 25 ans que cette œuvre n'avait pas été jouée à l'Opéra de Paris. Ce petit bijou de Camille Saint-Saëns fait l'ouverture ce soir de la saison lyrique à Bastille. Thierry Fioril. C'est l'opéra de Camille Saint-Saëns le plus célèbre de sa création en 1877. À la fin du 19e siècle, il a écumé l'Europe. Œuvre musicale foisonnante, elle ravit les amateurs de chœur. Mais monté aujourd'hui, les déboires de Samson, héros du peuple hébreu séduit et berné par la tigresse philistine Dalila, s'est risqué de tomber dans les références bibliques, pour ne pas dire les bondieuseries. Le metteur en scène Damiano Micheletto a donc choisi de se concentrer sur l'histoire d'amour. Il se permet même de changer la fin. C'est Dalila qui entraîne tout le monde vers la mort et non Samson, ce qui ravit la jeune et prometteuse mezzo-soprane géorgienne Anita Rajvelishvili. Il a eu la très bonne idée de ne pas seulement faire de Dalila une femme cruelle. Elle n'est pas que ça, elle a des émotions, elle est amoureuse de Samson, mais elle est aussi une femme patriote qui a des obligations, donc d'une certaine façon, elle fait des choses qu'elle ne veut pas. Cette façon de terminer l'œuvre est intelligente et je suis ravie de faire quelque chose que je sens juste. Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, c'est à l'Opéra Bastille à Paris jusqu'au 5 novembre. Merci beaucoup Mathilde Munoz pour les... Bonjour à tous, vous écoutez Réunion Première, il est 10h09. La météo avec Sirius Réunion, chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Alors, quelques nuages qui restent encore accrochés, particulièrement du côté du cirque de Salazie. Partout ailleurs, le soleil est bien présent. Côté température, il fera jusqu'à 29 degrés sur le littoral, comme quoi ça monte. Et par endroit, on sent l'arrivée doucement mais sûrement de l'été. Dans le courant de l'après-midi, les nuages seront sur les hauts de Saint-Leu, au Dimitil, sur les hauteurs de l'Entre-Deux, et puis dans la ville du Tampon. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. À Auteuil, pour un montant de 6 150 000 euros, les pronostics du fouineur du GIR, le 9, le 6, le 5, le 2, l'As, le 3, le 11 et le 4, 9, 6, 5, 2, As, 3, 11 et le 4. Et puis hier, pour le quintet à Anga, il fallait trouver le 4, le 5, le 7, le 13, le 14, 4, 5, 7, 13, 14, le numéro plus gagnant, le 27, 97. Le droit à la consommation est au cœur de votre émission Les Experts, avec nous sur la première et pour répondre surtout à toutes vos questions au 02 62 99 2000. Virginie Gabéraud de l'association UFC Que Choisir et Maître Nasser Zahir, avocat. Les droits du consommateur, pourquoi consulter un avocat? Comment mettre toutes les chances de son côté en cas de litige? Que dit la législation? Comment faire valoir ses droits? Vous avez jusqu'à 11h30 pour nous faire part des difficultés que vous rencontrez en ce moment et puis surtout profiter de la présence de nos experts sur la première. 02 62 99 2000. Les questions par SMS au 06 92 70 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. L'amour, mon contente-toi. Mon désir qui nous dit ensemble. Ou mon décrire ton mot la flamme. L'amour, avec toi. Et plus en plus, m'oublie à mourir. Et ça lui fait moller qui a bâti. Et n'a beaucoup qui t'a fait rôter à nous séparer. Pouen oui, pouen non. Même si moi n'a raison. Et la trahison pas mon solution. Je t'avais rôde quatre mon réputation. Soit des hommes moi pas qu'à bon. Et n'a beaucoup qui t'avais rôde. Fait à nous diviser. Pour qui fait nous pas t'assiser. Nous causer, nous dialoguer. Si de l'envie qu'on la vérité. Écoutez ce qui m'a pédié. Tout pour qu'on tout ce qui vrai. Essayez de nous tomboler qui a pour nous errer. Tout fin déroule devant te liger, mais tu n'as pas dû trouver. Au fin essayez de nous tomboler l'amour, mais en retour. Mais dans tes pensées, ça m'est pas satisfait. Tu sais qui me finissait. Oh l'amour, contente-toi. Mon désir qui nous dé ensemble. Pour me décrire, toi, mon la flamme. L'amour avec toi. Et puis en plus m'oublie à mourir. Et ça lui fait moller qui a badé. Pour l'amour, mon content. plaisir qui nous dit ensemble. Nous me décrire toi mot la flamme. Pour l'amour avec toi. Des jours on zoom au pli amoureux. Et ça n'y fait mon équipe à serrer. Ça joue là te connaît qui c'est moi qui tiens la raison. Mais la jalousie peut manifester. Mais route de trier nous l'amour mon gâté. Mon content toi avec toute mon sincérité. Avec fidélité pour les qui nous avancer. Arrête laisse-toi influencer. Oh ça va nous mauvais penser pour nous arriver. Pour finir essayer. Donne-toi mon équipe pour nous errer. Tout qui déroule devant te liger, mais tu n'as pas dit d'oublier. Pour finir, essayer, donne-toi mon l'amour, mais en retour. Et dans tes pensées, ça m'est pas satisfait. Tu sais qui m'a fini fait. Oh l'amour, content en toi. Mon désir qui nous dit ensemble. Pour me décrire, toi mon la flamme. L'amour avec toi, de plus en plus m'oublie amoureux, et ça lui fait mouler qui a bâti. Pour l'amour, mon content en toi, mon désir qui nous dit ensemble, pour me décrire toi, mon la flamme. Pour l'amour avec toi, des jours en jour m'oublie amoureux, et ça lui fait mouler qui a serré. Pour l'amour, mon content en toi. Mon désir qui nous dit ensemble, pour me décrire toi mon la flamme. Pour l'amour avec toi, des plus en plus m'oublie amoureux, et ça lui fait mouler qui a bâti. Pour l'amour, content en toi. Mon désir qui nous dit ensemble, pour me décrire toi mon la flamme. Pour l'amour avec toi, des jours en jour m'oublie amoureux. Et ça n'y fait moller qui a serré. Le droit de la consommation, c'est sur Réunion Première. Les questions au 02 62 99 2000. Première. 19h, 20h, Claudio dans la case. Petit message à coucou, vous avez écouté un bon petit morceau, un seul numéro. Je passe un petit message à mon chéri, à qui me fait de gros bisous. On a des cadeaux à gagner. Deux gaillards, on le roule. Vous avez le cinéma ce week-end. Claudio, ma Claudio. Claudio dans la case, du lundi au vendredi, de 19h à 20h, sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Les droits du consommateur, pourquoi consulter un avocat? Alors écoutez, vous avez la parole, on est là pour vous écouter et surtout pour répondre à toutes les questions. Je fais appel ce matin à des experts. Virginie Gavero de l'association UFC Que Choisir, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'être là pour les auditeurs de la première. J'accueille également Maître Nasser Zahir, avocat, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Alors UFC Que Choisir est vraiment là pour défendre le consommateur, Virginie Gavero. Oui, tout à fait. On est là aussi en amont pour informer tous les particuliers sur leurs droits, notamment en droit de la consommation. Et puis donc on est vraiment là pour défendre et traiter des litiges si besoin dans chaque cas. Donc on est quand même la première association de France à avoir été créée sur la seule bannière de la consommation. Donc créée en 1951. Sur La Réunion, on est un peu plus récent, ouais. On date de 1997. Donc on va bientôt fêter nos 20 ans. Oui, c'est récent, oui. C'est plus récent par rapport à la métropole. Oui. Mais on est quand même 150 associations locales réparties dans toute la France, avec 4000 bénévoles et plus de 140 000 adhérents à l'association. Donc on commence à être assez important et avoir une image reconnue des pouvoirs publics. Quel est le rôle alors du bénévole? Qui est au sein même de l'association UFC que choisir? Alors, quel est son travail? Plusieurs tâches. Ça peut être notamment de l'accueil, des tâches administratives, comme conseiller litige. Après, chaque bénévole qui entre dans l'association, évidemment, est formé par l'association elle-même et par la fédération. Profitez de la présence de l'association UFC que choisir pour réagir au standard de la première et en face de vous, Virginie Gabéro, un avocat. Nasser Zahir, avocat. Pourquoi consulter un avocat? Alors, dans l'idéal, ça serait bien de consulter avant qu'il y ait le problème. Avant qu'il y ait le problème. Avant qu'il y ait le problème, ouais. Pour un petit peu sécuriser une situation. Mais malheureusement, et tout le monde un petit peu pris dans ce tourbillon de la vie, et on vient consulter l'avocat quand le problème est apparu. Alors, on est dans une société qui est quand même complexe, des normes juridiques, il en sort tous les jours au journal officiel, donc on est vraiment dans un monde où la complexité règne, et il faut pouvoir un petit peu décoder. Donc l'avocat permet aux citoyens, aux contribuables, à la personne lambda, d'interpréter, puis de rendre intelligibles des normes qui quelquefois sont complexes. Pour informer, c'est notre première mission, c'est informer les gens sur l'étendue de leurs droits et de leurs obligations. Parce qu'il y a une méconnaissance, hein. Vous confirmez aussi Virginie Gabéro. Oui, hein. Tout à fait. Oui. Non, une méconnaissance de ses droits. Alors après, ça fait peur. C'est vrai que... Allez voir un avocat. Allez, je ne sais pas dans quoi je m'engage, je ne sais pas combien ça va me coûter, combien de temps ça va durer cette affaire. C'est vrai que pour franchir le pas, pour aller voir un avocat, c'est assez angoissant pour certaines personnes parce que c'est pas quelque chose de quotidien, de banal. Il faut vraiment qu'il y ait un événement déclenchant qui soit important. En général, c'est une action en justice. Ouais. Et c'est aussi le fait de manquer d'informations. Combien ça va coûter? Est-ce que la procédure va durer? Enfin, c'est ce genre de méconnaissance qui fait qu'on appréhende d'aller voir un avocat. En sachant qu'il y a des manières d'avoir cette information de manière raisonnable et souvent gratuite, notamment parce qu'il y a des consultations juridiques à l'ordre des avocats, ici à Saint-Denis, à Saint-Pierre. C'est un peu comme le notaire. Consulter un notaire, c'est gratuit. Ouais. Enfin, la consultation est gratuite pour l'avocat. Oui. Qu'en est-il? Là, c'est des consultations qui sont gratuites, hein, c'est-à-dire qu'elles sont organisées dans le cadre des ordres et les consultations sont entièrement gratuites. Ça va être des consultations d'orientation. On va dire, on va pas venir avec son gros dossier et on aura une réponse précise. Par contre, on va dire à la personne que y a peut-être une urgence parce qu'il y a peut-être un délai qui risque d'expirer et que ça va relever de telle ou telle juridiction. On va donner des informations qui vont permettre de débroussailler. Mais dans le cas de la consultation, on ne pourra pas apporter la réponse finale, bien sûr. Virginie Gabéro, vous travaillez aussi en étroite collaboration avec des avocats, je parle là sur le territoire national, avec UFC Que Choisir, et des avocats. Oui. Effectivement, que nous intervenons de la même manière. On essaye de donner un conseil assez précis. Mais effectivement, on fait attention également au délai pour ne pas bloquer le consommateur derrière dans ses démarches. Donc, quand on arrive à des délais très courts, on les oriente vers des avocats. Et justement, on essaye de redorer un peu le blason de cette profession parce qu'effectivement, tout de suite, l'action en justice, c'est très long, ça fait peur, je n'en veux pas. Et les consommateurs baissent les bras. Donc, on essaye de les pousser, du moins de les conseiller au mieux, de leur dire que maintenant, il y a quand même des procédures qui sont simplifiées, qui sont à coût réduit. Donc, c'est quand même plus accessible qu'auparavant. Ne baissez pas les bras. Les experts sont là jusqu'à 11h30 pour vous écouter. Virginie Gabéro de l'association UFC Que Choisir, Maître Nasser Zahir, avocat. Les questions, les réactions, 02 62 99 2000. Vous avez des droits, donc faites-les valoir surtout. Nous sommes sur la consommation, les droits du consommateur. Pourquoi il faut consulter un avocat? Vous pouvez aussi réagir par SMS au 06 92 70 2000. J'ai Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over. Dark, ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. young to get ourselves sprung. Oh, we didn't care, we made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Last together. See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you are figure decline. Oh, Lord, my baby is driving me crazy. '99, watching movies all the time. Oh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other. See each other. And then I came out, mommy moved me down south. Oh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me. Girl for me. See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you are figure decline. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When they say it's over, now we're fussing and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted, and I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind, and I don't think it's clever. Think it's clever. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal, suicidal. Le droit à la consommation, c'est sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Virginie Gabéro de l'association UFC Que Choisir, maître Nasser Zahir qui est avocat. Et puis au téléphone, c'est André de Saint-Denis. Bonjour André. Bonjour Claude. Merci d'être avec nous André. Alors nos experts sont à votre écoute, vous avez une question à poser. Voilà, bonjour maître. Je voulais ma question concerne un enfant adultérin et ses droits de succession. Au décès de mon père, j'ai appris tardivement que j'avais eu droit à une succession. Il y a eu une succession, mais qui n'avait pas été partagée avec moi. Ah. Donc je voulais savoir comment entamer une procédure à l'amiable ou juridique face à cette situation. Alors vous avez bien compris la question de notre auditeur André, parce oui, que oui. Là, c'est comment entamer une procédure de succession, c'est ça? Voilà. En fait, oui. Maître, quand on est enfant adultérin, si j'ai oui. bien compris. Quand voilà. on est enfant adultérin. Adultère, oui. Adultérin. D'accord. Alors, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années maintenant, il y a une égalité complète. Hein, donc, dans les filiations, qu'on soit enfant adultérin ou enfant légitime ou enfant naturel, tout le monde a les mêmes droits. Hein, donc, oui. il n'y a aucune raison d'écarter d'une succession un enfant adultérin. La difficulté peut surgir au moment où il y a le décès. Il va falloir établir la liste des héritiers. Donc, en général, on signale les enfants reconnus à l'état civil et qui vont avoir la qualité d'héritier. Et oui. si personne n'a mentionné l'existence d'un enfant adultérin, donc il ne sera pas dans les héritiers. Et le portage oui. se fera peut-être en l'absence de cette personne. En l'absence. Est-ce que c'est ça, monsieur ? Oui, exactement, maître. Donc après, tout va dépendre, en fait, de la si la succession est terminée et partagée, ça va porter atteinte aux droits de monsieur, et il a possibilité de faire, de revenir sur ce partage en disant qu'il a été porté atteinte à sa réserve, parce que en tant qu'héritier, il a des droits qui sont incompressibles, qu'on ne peut pas lui nier, on ne peut pas déshériter quelqu'un. Donc il faudrait se rapprocher du notaire qui a liquidé cette succession. Je n'ai aucun moyen de savoir qui c'est ce notaire, parce que mes frères ou demi-frères, comme on peut l'appeler, ne veulent pas me communiquer, communiquer avec moi sur Dans ce genre de situation où notre auditeur André n'arrive pas à avoir donc le nom de ce notaire, quelle solution ? Il y a possibilité, parce qu'en fait, un notaire va intervenir quand il y a un bien immobilier. Lorsqu'il n'y a pas de bien immobilier à partager, on n'est pas obligé de passer par un notaire. Et le partage peut se faire, ben, les meubles, les effets qu'on va retrouver au jour du décès, qui vont être partagés. Là, il y a un bien immobilier. Oui. Ben donc, si un bien immobilier, il y a une succession. Fatalement, donc, on peut aller aux impôts, donner le nom, prénom et date de naissance de la personne, et au fichier immobilier, ça va donner l'indication des héritiers de la succession. Et d'un notaire qui a dû faire au moins payer, au tout début de la succession, des droits de succession. D'accord, je récapitule, maître. Donc, au niveau des impôts, je me rends au niveau des impôts, voilà, avec la date de naissance de la personne concernée, et à partir de maintenant, je peux obtenir une fiche... Vous aurez le bien immobilier qui appartenait donc à ce qu'on appelle, nous, le décujus, c'est-à-dire la personne qui est décédée. Et après, donc, il y aura la liste des gens qui sont... Il y aura marqué « Succession, monsieur Intel ». Et on aura la liste et on saura s'il y a un notaire qui a été chargé de cette succession. Alors, dans un premier temps, alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est quand même... André. C'est pas simple. En théorie, c'est assez simple d'aller aux impôts, fichier immobilier, de demander. Mais au final, des fois, on va considérer qu'on est un tiers et on va pas vouloir divulguer l'information. Le mieux, ça serait, à mon sens, d'aller voir, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais d'aller voir un avocat qui fera les démarches auprès du fichier immobilier. Et ensuite, lorsqu'il obtiendra l'information, si la succession est toujours en cours, eh bien d'intervenir dans la succession. Si elle est terminée, ça sera plus problématique, mais c'est pas pour autant que ça sera impossible, d'intervenir auprès de ses héritiers pour demander qu'il y ait un partage complet et intégral. D'accord, maître. Est-ce que ça vous va, André ? Vous pouvez déjà entamer ces démarches-là. D'autres questions à poser ? Non, justement, au niveau des avocats, donc je me suis rendu à l'ordre des avocats, la maison des avocats plus précisément. Il y a une permanence tous les derniers samedis du mois, c'est ça ? Oui. D'accord. Moi, j'étais pas dans les temps, j'étais dans le premier samedi du mois. D'accord, ben, je me rendrai de nouveau à la maison des avocats. Alors, les notaires aussi peuvent apporter leur... Le notaire, bien sûr. Parce que c'est une... Ce que nous allons faire aussi, André, c'est que on reviendra vers vous dans quelques semaines, voir si votre situation a bougé quelque peu, si ça a changé. D'accord? D'accord, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, et si vous avez besoin de conseils, etc., on est là pour ça. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. À très bientôt sur Réunion Première. Merci à vous. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Virginie Gabéro du FC Que Choisir, Maître Nasser Zahir qui est avocat, et c'est Eric de Saint-Leu qui dit « J'ai trois mois que j'ai passé une commande sur Internet ». Ça vous étonne déjà ou pas, là, presque, non? Parce qu'on a pas mal de soucis avec les commandes sur Internet. Alors, j'ai passé une commande sur Internet pour une petite pièce. Je n'ai rien reçu à ce jour. J'ai appelé, donc hier. La personne me dit que la poste a retourné le colis. Il me dit qu'il m'enverra une facture du refus de la poste. Et depuis, rien reçu de sa part par mail. Que dois-je faire? Vous avez compris son histoire, Eric, là, de Saint-Leu? Oui. Dans un premier temps, essayer de se rapprocher de la poste pour comprendre pourquoi il y a eu ce refus et ce retour. C'est la poste qui a retourné le colis. Oui. Ça arrive, ça ? Ça arrive. Alors, souvent, c'est bloqué. Les colis sont bloqués. Les colis sont bloqués, oui. Mais retourner, c'est... Après un certain délai, effectivement, il le retourne. Ouais. Donc, du coup, il a appelé vraiment. Donc, et puis, on lui dit qu'on m'enverra la facture du refus de la poste. Et puis, depuis, rien reçu de la part de la société par mail. Oui, bah ça, c'est pas normal, puisqu'il faut informer. Il faut informer de ce genre de choses, puisque le consommateur a quand même passé un contrat, a payé. Ouais. Et puis, si je sais pas depuis combien de temps. Trois mois. 3 mois. Bah, je pense qu'il a passé que, comment sur Internet Ce qu'il faut, bon, entre autres, prendre contact par téléphone, mais ce que je conseille aussi, c'est souvent un courrier, un recommandé, pour pouvoir informer les services, pour pouvoir prouver qu'on a bien fait notre réclamation. Si vraiment, bah, au bout de... Voilà, déjà 3 mois, c'est déjà beaucoup. Mais si, moi, je dirais, dans un délai d'une à deux semaines, s'il n'y a toujours pas de réponse, se retourner vers... Enfin, se faire aider, justement, auprès de notre association, entre autres, auprès d'une association de défense des consommateurs pour l'aider dans ses démarches. Parce que là, à mon avis, il n'y aura pas de nouvelles. Ah bon ? Non. Vous rassurez pas du tout, Eric, de ça ? Non, mais déjà 3 mois, c'est déjà beaucoup, je trouve. Et souvent, les... On va dire souvent, les sociétés font lettre morte. C'est plus simple. Maître Nasser Zahir, avocat. Alors, dans ce genre de situation, votre analyse. On ne nous saisit pas de ce genre de litige, hein, parce que c'est quand même des biens d'une valeur assez modeste. Mais on a pu constater quelquefois que des colis expédiés étaient bloqués à cause des douanes, à cause des factures et des valeurs. Les valeurs n'étaient pas mentionnées, donc les douanes bloquaient. Donc, ça pouvait amener à un retour du colis. C'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, j'ai pu constater ça, je ne sais pas si dans ce cas de présence c'est ce problème, mais des fois quand on envoie des biens de consommation et qu'on ne marque pas une vraie déclaration avec la valeur marchande, eh bien les douanes peuvent bloquer. Donc là, 3 mois que ça dure, du coup c'est... Il y a un vrai problème, mais... C'est perdu, c'est... Ouais. Mais quand il y a un retour des douanes, c'est... Pour sa petite pièce, la Poste le sait. La Poste le sait, il y a l'information qui est donnée. Ouais. Donc là, si la Poste ne sait pas, n'est pas en mesure d'informer, c'est que ça ne doit pas venir des douanes, je pense. Les droits du consommateur, pourquoi consulter un avocat, comment mettre toutes les chances de son côté en cas de litige, que dit la législation? Vous avez la parole sur la première. Nous irons tout à l'heure retrouver au téléphone Sébastien de Saint-Benoît dans l'Est. Les questions, les réactions au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Bye. Vous êtes un particulier, un litige de consommation avec un professionnel. On peut aussi peut-être parler de litige avec l'assureur, le garagiste, le fournisseur de téléphonie. Un souci peut-être aussi avec un colis que vous avez commandé et que ce colis n'est toujours pas là. Et le problème d'Eric apparemment n'est pas non plus un cas isolé. 02 62 99 2000 pour toutes les questions. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Maître Nasser Zahir, avocat, et puis Virginie Gabéro de l'association UFC Que Choisir. Sébastien, au téléphone. Bonjour Sébastien. Bonjour Claude, bonjour Réunion Première, bonjour aux experts en consommation. Alors Sébastien, vous êtes de Saint-Benoît, il paraît qu'il pleuvait pas mal toute la nuit. Oui, il a plu pas mal, mais ça a fait plaisir à la végétation. Ah oui, et ça fait plaisir surtout au Letchi. Voilà. Ben oui, la capitale du Letchi, Saint-Benoît. Oui. Hein, le Letchi de Bracanote, le meilleur Letchi au monde. Oui, avec celui de Saint-André, toute la zone Est, c'est le meilleur Letchi au monde. Bon, Sébastien, vous avez appelé pour une question précise aux experts de la consommation. Oui, voilà. Alors, j'ai mes grands-parents du côté paternel qui sont décédés, ça va faire bientôt 2 ans. Oui. Donc, ils ont laissé en legs à mon père et aux oncles et tantes des biens monétaires en banque qui ont été distribués. Mais il reste une propriété de 1000 mètres carrés avec une maison. Oui. Donc, il a été partagé en 7, parce qu'à la base, ils étaient 6 enfants. Il y en a un qui est décédé et mon défunt oncle avait 2 enfants, donc ça a été réparti en 7. Oui. Aujourd'hui, la maison appartient aux 7 et ça paraît un peu en désuétude, c'est un peu un crève-cœur pour moi, parce qu'il y en a certains qui veulent vendre, oui. Il y en a certains qui veulent garder, mais ceux qui veulent garder ne s'en occupent pas. Oui. Mon père a un certain âge et je pense que si on continue comme ça, le bien va partir à l'abandon et oncle et tante vont partir un jour. Donc ça va faire de plus en plus d'héritiers. Donc j'aurais voulu savoir s'il y avait matière pour dénouer ce sac de nœuds-là. Ouais, sacré sac de nœuds. Hein. Oui, Virginie Gabéro, avant d'entendre notre avocat, est-ce que vous avez au sein de UFC Que Choisir ce genre de questions? Les gens vous interpellent sur des biens immobiliers, de succession, tout à l'heure qu'on auditeur. C'est quand même un gros problème, un problème assez important sur la Réunion, d'autant que les enjeux financiers sont aussi importants. Nous, on essaye de conseiller au maximum, mais effectivement, quand il y a des enjeux très importants et que c'est très compliqué, on peut réorienter vers des organismes spécialisés ou vers des avocats. Ouais. Ouais. Oui, alors Sébastien, vous restez avec nous s'il vous plaît. Baissez la radio parce qu'on entend un petit retour, c'est un petit peu juste embêtant pour les oreilles. Alors oui, Maître Nasser Zahir, avocat. Alors, vous avez compris sa situation. Oui, la situation que décrit c'est monsieur. C'est un sac de nœuds, oui, qu'il est en train de dire. Tout à fait. Et encore, des fois, il y a 2 sacs de nœuds qui s'entremêlent. Parce que des fois, on a 2 successions. Des fois, c'est le père qui décède. Et donc, il y a sa succession à régler. On ne la règle pas le plus souvent. Et ensuite, il y a le décès de l'autre parent. Et donc, il faut liquider 2 successions. Donc, ça devient assez vite compliqué. Alors, la situation que décrit monsieur, c'est une situation où, effectivement, on a liquidé. En fait, on a partagé une indivision successorale. Mais on n'a pas été jusqu'au bout, en fait, parce que le bout de la liquidation, c'est le partage complet. Oui, donc là, ils ont partagé des biens mobiliers, donc de l'argent, si j'ai bien compris. Oui. Et il reste cette maison. Et cette maison, en fait, c'est la propriété commune. C'est une indivision successorale. Oui, oui. Il n'y a pas de limite de durée de temps. On peut rester dans l'indivision autant que nécessaire. Mais on a aussi le principe que nul n'est censé rester dans l'indivision. Donc si un seul des indivisaires décide de sortir de l'indivision, il peut demander le partage. Donc ça peut se faire à n'importe quel moment par l'un quelconque des indivisaires. À ce moment-là, il faut que ça se passe devant un notaire, parce que c'est un bien immobilier, le notaire doit intervenir. Il faut d'abord tenter un partage amiable de ce bien immobilier. Donc Partager, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit il y en a un qui rachète le bien immobilier en versant ce qu'on appelle une soulte aux autres, en fonction de la valeur, soit personne ne veut racheter ce bien immobilier. À ce moment-là, il est vendu à l'amiable ou au pire aux enchères, et ensuite l'argent est partagé entre les membres de l'indivision. C'est compliqué à gérer parce qu'entre-temps, ça prend du temps pour faire un partage, et entre-temps, il y a des mesures à prendre parce qu'un bien peut se dégrader. Mais aujourd'hui, on peut agir parce que avant 2006, il fallait l'unanimité. Alors il suffisait qu'il y en ait un qui soit pas d'accord, et c'était fréquent, et on pouvait rien faire. Ouais. Aujourd'hui, à 75%, on peut agir. Et on peut prendre des mesures urgentes, par exemple, pour éviter qu'un toit ne s'effondre, ou qu'on peut agir, même si on n'a pas l'accord de tous, pour faire des mesures conservatoires. En tout cas, c'est clair que ça, obligatoirement, va passer par un notaire et obligatoirement par un avocat, parce que c'est une procédure qui sera au tribunal de grande instance. Sébastien. D'accord, ben là, j'avais déjà entendu des discours comme ça, mais là, avec l'œil d'un expert, c'est plus clair. Écoutez, si c'est beaucoup plus clair, alors vous êtes contents, nous sommes contents. Voilà, mais je vous tiens au courant. Ah oui, non, parce que même si vous ne nous tenez pas au courant, c'est nous qui allons vous appeler. Alors, on va presque vous harceler au téléphone. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci encore pour votre chronique, parce que ça a permis aux gens d'avancer, ben, que ce soit au niveau de la consommation ou hier sur les droits au logement. Merci Sébastien. Je vois que vous êtes fidèle à Réunion Première. Merci à vous, à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir. Les questions, les réactions. Nous sommes en compagnie de Virginie Gabéro de l'association UFC Que Choisir. On peut revenir aussi dans un instant sur les achats sur Internet. Comment éviter l'arnaque? Et puis, profiter de la présence de Maître Nasser Zahir, qui est avocat, également pour poser toutes vos questions. Par SMS, c'est possible aussi au 06 92 70 2000. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Première. 13h-14h, tous en première avec Ingrid. Le zapping de la radio à 13h20 et votre rubrique Connect Première. L'interview de l'invité de la matinale en rediffusion, ce sera à 13h30. Notre projet de loi sur l'égalité réelle fait l'objet d'une consultation. Tous en première avec Ingrid. Du lundi au vendredi, de 12h45 à 14h sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Les droits du consommateur, pourquoi consulter un avocat, et puis comment mettre toutes les chances de son côté en cas de litige, que dit la législation. Nous irons tout à l'heure sur Saint-Louis retrouver Joe au téléphone. Les questions évidemment donc au 02 62 99 2000. Ou c'est la seule qui qu'elle fait voir à moi plus clair. Ou dit que moi elle est différent des autres qui refait s'en à nous hâter. L'ami est tout seul ensemble. Pourquoi ou adresse pas moi la parole? Pourtant nous y aime à nous. Fort, très fort. C'est pas parce que nous la mal que nous va mettre le temps. Si nous, on m'y aime à vous, nous va laisser le temps couler. Si les bons pour moi sera bon pour nous, nous va laisser les choses passer. Pour résoudre les problèmes de tous les jours, nous va laisser le temps couler. Si les bons pour moi sera bon pour nous, nous va laisser les choses passer. Pour résoudre les problèmes de tous les jours. Des beaux moments n'a pas paqué. Comme il repense toute cette nous la fin traversée. Non qu'à moi trop ma chérie. Ou fait la tête mec il achève à moins doudou. Pourquoi on réagit comme ça? Mais veulent entendre à l'infini sans mot qu'affreine. Mais veut pas perdre où ma flamme. La flamme que moi l'a déclaré pour rouler tellement plus fort que tout. Car m'y aime à vous. Nous va laisser le temps couler. Si les bons pour moi sera bon pour nous. Nous va laisser les choses passer. Pour résoudre le problème de tous les jours. Nous va laisser le temps couler. Si les bons pour moi sera bon pour nous. Nous va laisser les choses passer. Pour résoudre le problème de tous les jours. Mais trouve pas ça normal. Vos histoires iront à moins malade. Pour rien nous fait à nous du mal. Vivez pas reste bloqué. Non non non non. Pour résoudre le problème de tous les jours. Nous va laisser le temps couler. Si les bons pour moi sera bon pour nous. Nous va laisser les choses passer. Pour résoudre le problème de tous les jours. Nous va laisser le temps couler. Si les bons pour moi sera bon pour nous. Nous va laisser les choses passer. Pour résoudre le problème de tous les jours. Dans 10 minutes, vous avez rendez-vous avec l'info sur la première, avec Antoine Garnier. Vos questions, vos réactions, surtout pour le droit à la consommation, c'est maintenant sur la première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Joe de Saint-Louis. Bonjour Joe. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour Maître. C'est pour une question concernant un terrain qu'on voulait vendre à un particulier, un terrain agricole. Oui, non. Et finalement, comme là, ça fait... Allô ? Oui, Joe ? Oui, oui, donc là, ça fait... avec droit de pension, donc là, ça fait à préempter le terrain, au même prix, quoi. Non. Donc, bon, bah, on voulait se délisser, on voulait plus revendre, mais on nous a dit que c'était obligé, donc on a décidé de vendre, mais on est trois héritiers hein, sur ce terrain, et finalement, il y a ma nièce, là, qui veut pas signer. Elle insiste, elle veut pas signer, alors je voulais voir si... Que faire quand une personne ne veut pas signer? Alors, il y a avec nous Joe. Oui, Joe, oui? Oui, est-ce que. Bon, ben, nous, on est d'accord pour signer, mais il y a un voilà. qui ne veut pas signer. Mais, donc, est-ce que c'est. Comment ça va se passer, alors? Oui, oui, on a bien compris votre question. Donc, je voulais juste vous rappeler qui sont les invités, qui sont les experts sur Réunion Première. Donc, Maître Nasser Zahir, qui est avocat, d'accord? Oui, oui. Et aussi Virginie Gabéro de l'association UFC Que Choisir, qui défend les consommateurs, puisque vous êtes aussi consommateur. Alors, pour répondre à Joe, Maître, alors, s'il y en a un qui ne souhaite pas signer, qui ne veut pas signer. Alors, c'est classique, malheureusement, dans les indivisions. Ouais. Alors aujourd'hui, une seule personne ne peut pas bloquer. Il y a quand même eu un acte. Il y a eu quand même un acte au départ chez notaire. Oui, il y a eu un compromis. Voilà, un compromis. Et ensuite, bon, comme la vente maintenant est parfaite, à part que c'est plus l'acquéreur initial, c'est la SAFER qui est devenue acquéreur, et c'est substitué, mais c'est une vente. Donc maintenant, cette vente est définitive. Et en général, quand il y en a un des vendeurs qui veut se rétracter alors que la vente est définitive, en général, on l'assigne au tribunal, c'est-à-dire on le convoque au tribunal de grande instance, en chambre des urgences. Parce que comme ça pose pas trop de difficultés et que c'est urgent, donc on le convainc en chambre des urgences et le tribunal rend un jugement qui vaut vente. Et on passe outre le refus injustifié. Si le refus, à la limite, était vraiment justifié, peut-être que le tribunal rendrait une décision différente. Mais en général, comme avant que le tribunal rende sa décision, il ne fait que confirmer la réalité de la vente. C'est pas le tribunal qui va dire c'est une vente. La vente est déjà parfaite. Oui, d'accord. Donc le jugement se substituera à l'avis et ça vaudra vente. Ah d'accord, mais ça va prendre du temps, quoi, ce que vous voulez dire. Bah, chambre des urgences, ça peut prendre 2 mois, 2 mois et demi. C'est assez court, c'est une procédure très rapide. D'accord, non, parce que nous, bon, on dit, bon, étant donné que c'est obligé, on est obligé de vendre, donc moi et mon frère, on dit, on va décider, quoi, donc, pour faire au plus vite. Mais là, maintenant, comme elle refuse de signer, donc ça va passer au tribunal. Ça doit passer au tribunal en chambre des urgences. Alors, c'est vrai que ça fera un coup, mais le coup reposera au final sur le membre de l'indivision qui a eu un refus injustifié, parce que vous êtes obligé d'exposer des frais. Mais après, donc, il y aura quelqu'un d'autre qui va signer sa place, comment ça va marcher? Non, c'est le tribunal, ça vaut. Le notaire fera la vente parce qu'il aura le jugement. Ah bon, donc ça pas... Ça remplacera la vie de votre frère, enfin du membre qui refuse. D'accord, bon ben c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Vous avez eu la réponse? Voilà. C'est bon? Ok, merci bien et puis bonne journée. Merci à vous, Joe. Au revoir, à très bientôt sur Réunion Première. Les questions, les droits de la consommation, on en parle sur Réunion Première au 02 62 99 2000 et par SMS au 06 92 70 2000. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Francine qui dit « J'ai un avoir d'un magasin dont la date d'utilisation est dépassée de 2 mois. Est-ce que c'est perdu ?» Virginie Gabéro de UFC Que Choisir. Alors effectivement, avant de dire que c'est perdu, il faudrait voir les conditions qui sont relatives à cet avoir, puisqu'il y a souvent des conditions qui sont applicables. Mais dans un premier temps, là, si la date est effectivement dépassée, il y a forte chance pour que l'avoir soit perdu. Après, ce qu'il est toujours possible, c'est d'essayer de voir avec le magasin pour essayer de négocier un petit peu et de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire de ce côté-là. Il n'y a pas un délai normalement pour un avoir, ça c'est non c'est non c'est à l'appréciation du commerçant. À l'appréciation du commerçant. Oui, mais qui doit informer effectivement au préalable le délai dans lequel l'avoir est valable, qui doit être mentionné de manière claire sur le bon. Donc savoir combien de temps effectivement cet avoir est valable, ça par contre, il faut vraiment que le consommateur soit informé. Donc dans ces cas-là, il faudrait que Francine se rapproche du magasin. Alors voir où figure la date. Si elle est bien visible sur l'avoir en question, si on lui a fourni dans le cas échéant une notice à voir avec cet avoir. Et dans le meilleur des cas, essayer de se rapprocher du magasin en question pour discuter tout simplement. Je pense qu'il faut renouer avec les commerçants et essayer de rediscuter avant d'entamer des démarches un petit peu. C'est ce que vous préconisez aussi, maître? Oui, toujours discuter, parce qu'en fait, il y a des choses quelquefois qu'on peut pas obtenir juridiquement, mais que par un effort commercial, le commerçant accède à la demande. Alors que juridiquement, ça serait un droit réel, mais à mettre en œuvre un peu compliqué. Alors, quand il y a la bonne volonté de part et d'autre, on arrive quelquefois à trouver des solutions pertinentes. Ouais. Alors, ça revient toujours, en fait, parfois c'est cette méconnaissance du droit, mais enfin, on va pas en vouloir non plus aux citoyens, parce que c'est vrai que lorsqu'on signe un contrat, pour un achat, c'est vrai que ce contrat dit un certain nombre de choses. Il faut lire ce contrat, malheureusement. Dans la plupart des cas, on pose juste la signature, on ne fait pas très attention. Voilà, tout à fait. C'est à peu près 80% des cas que l'UFC Que Choisir de l'océan Indien a pour litige. C'est-à-dire que beaucoup de consommateurs viennent nous voir... Parce que le contrat est la base d'une relation entre un particulier et un professionnel. Ouais. Et du coup, beaucoup signent, soit en faisant confiance à la personne qu'ils ont en face, à ses propos, en disant, ils font confiance à ses paroles, et du coup, ils ne lisent pas, ou alors, tout simplement, parce qu'il y a plusieurs pages, il y a des polices qui sont très petites, c'est incompréhensible, et du coup, la personne signe sans lire. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'informer les consommateurs, votre signature vous engage, attention. C'est ça, signature vous engage. Donc, on essaye, au travers de notre site internet ou sur notre page Facebook, d'alerter un maximum de consommateurs. Ou alors, on leur dit aussi, nous, on est là pour vous aider à comprendre ces contrats. N'hésitez pas à venir nous voir si vous ne comprenez pas avant de signer. Et nous, on vous interprète, on vous dit un petit peu ce qui est légal, ce qui ne l'est pas, ce à quoi vous vous engagez aussi. On essaye vraiment de faire de la prévention pour limiter les litiges qui sont compliqués, qui font perdre du temps malheureusement à tout le monde, alors qu'une entente amiable est souvent possible. Virginie Gabéro de l'association UFC Que Choisir, Maître Nasser Zahir qui est avocat, le droit à la consommation, on en parle jusqu'à 11h30 sur la première, on revient juste après l'info de 11h sur la première, les questions aussi par SMS au 06 92 70 2000. You were the shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away, afraid our aim is out of sight, wanna see you. Alan Walker sur Réunion Première. Bonne fin de matinée à tous, il est 11h. L'info, Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. La cour d'assises a commencé ce matin l'examen de l'affaire du petit Kaylan. Ce garçonnet est mort en 2014 à Saint-Joseph sous les coups de son petit père. Il n'avait pas encore 2 ans. L'accusé Stéphane Bocage doit répondre de violences habituelles ayant entraîné la mort. Il n'est pas seul dans le box puisque la mère de la victime est jugée pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de mauvais traitement. Nous serons en direct de la cour d'assises dans l'édition de la mi-journée avec Nadine Bachelot. À La Réunion, les forces de sécurité et la chaîne de secours sont-elles prêtes à faire face à une attaque terroriste? En tout cas, elles tentent de s'y préparer lors d'exercices réguliers. Il y a quelques semaines, c'était au parc des expositions de Saint-Denis. La nuit dernière, plus de 200 pompiers, médecins, policiers et gendarmes ont investi l'aéroport Roland-Garros où était organisée une simulation d'attaque terroriste pendant 3 heures. Ces forces ont essayé de mettre en commun leurs différentes procédures d'intervention afin de répondre le plus efficacement possible à ce type d'événement. Le préfet était sur place afin d'observer l'exercice. Reportage dans le journal de midi. On reste à l'aéroport avec cette grande réorganisation du circuit des passagers. L'aéroport Roland-Garros se prépare à en accueillir 2,5 millions par an dans les prochaines années. C'est 400 000 de plus qu'aujourd'hui. Un espace duty-free agrandi avec 650 mètres carrés de boutiques hors taxes va voir le jour. Et à partir de juin prochain, des formalités d'embarquement seront réparties sur 2 niveaux. À midi, nous entendrons les explications de Jean-Paul Noël, le président du directoire de la société aéroportuaire. On vous en parle depuis hier. Latifa Ibn Ziaten est actuellement en visite à La Réunion. Cette responsable associative est la mère du premier militaire français assassiné par le terroriste Mohamed Merah en mars 2012. Aujourd'hui, au lycée Vubel, elle participe à un atelier débat consacré au savoir vivre ensemble, un atelier débat auquel Erika Barecht prend également part. La ministre des Outre-mer intervient via une visioconférence. Reportage dans notre prochaine édition. C'est dans l'actu. Ce midi, juste après le journal, à 12h15, sera consacré aux emplois à domicile. Pourquoi les déclarer baby-sitter, femme de ménage ou jardinier? Ils travaillent parfois au noir. Pourtant, ces activités ont tout intérêt à être officialisées dans l'intérêt du salarié, comme dans celui de l'employeur. Philippe Dornier, pour en parler, recevra Guillaume Brionne, le président de la FEPEM à La Réunion, la Fédération des particuliers employeurs. Thierry Delaburte, le directeur de recouvrement à la CGSS de La Réunion. Et Jean-Pierre Rivière, le secrétaire général de la CFDT de La Réunion. Vos questions et vos réactions pour participer au débat par téléphone au 0262 99 2000, par SMS au 06 92 70 2000. Également sur les réseaux sociaux avec le hashtag CDLAPremière pour Twitter, et sur la page Facebook de l'émission. C'est dans l'actu, il est 11h03. On fait tout de suite un point sur l'actualité nationale et internationale avec France Info. L'ouragan Matthew devrait atteindre la pointe sud d'Haïti en milieu de matinée. De très fortes pluies ont déjà touché l'île et près de 6500 habitants ont rejoint des abris provisoires. Les vents dépassent même les 230 km/h. 3 ans, jour pour jour, après le naufrage de Lampedusa qui avait mobilisé l'Europe, l'une des plus importantes opérations de ces derniers mois a eu lieu hier. 6000 migrants sauvés au large de la Libye, des hommes, des femmes, des enfants, entassés principalement sur des bateaux de pêche et des canots pneumatiques. Au moins 9 ont perdu la vie. Le gouvernement propose un nouveau plan d'aide aux agriculteurs. Le Premier ministre Manuel Valls doit dévoiler des mesures pour soutenir les éleveurs, les laitiers, les céréaliers. Avec les inondations du printemps dernier, la production s'est effondrée. De nombreuses exploitations sont menacées de disparition, près d'une sur 5 en Île-de-France, dit sur France Info le responsable régional de la FNSEA. Le dossier Alstom, l'avenir du site historique de Belfort est en jeu. Réunion cruciale ce matin entre le secrétaire d'État à l'industrie, les syndicats, les élus locaux et la direction. L'État a déjà promis une commande de 16 rames TGV, mais les 400 salariés menacés ne sont pas rassurés. Une manifestation est d'ailleurs organisée. En football, le message sur Twitter de Prenel Kimpembe, surpris et heureux de rejoindre les Bleus pour la première fois. Le défenseur du PSG, âgé de 21 ans, remplace Eliakim Mangala, blessé à la jambe. L'équipe de France joue vendredi contre la Bulgarie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Il est 11h04 sur la première, la météo. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Alors, il y a encore des nuages qui restent accrochés du côté du cirque de Salacy. Partout ailleurs, le soleil est bien présent. Côté température, il fera jusqu'à 29 degrés sur le littoral. Dans le courant de l'après-midi, les nuages seront sur les Hauts-de-Saint-Leu, au Dimitil et au Tampon. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Le droit à la consommation, on en parle sur la première jusqu'à 11h30 avec votre émission de service Les Experts. Je fais appel aujourd'hui à Virginie Gabéro de l'association UFC Que Choisir et Maître Nasser Zahir qui est avocat. Les droits du consommateur, pourquoi il faut consulter un avocat, que dit la législation, comment faire valoir ses droits. Vous avez la parole, 02 62 99 2000. 10h midi, Les Experts avec Claude Montané. La fête partout des hippodromes, avec les croiseaux limaux nationaux. Une femme magasin à la rouvert, qui respecte pas le fierté. Au patron, il oublie de travailler, du travail, ben descend en journée. Voyons, rayonnez, tu es la scène de ton quai. L'aucun fait l'abolition, mais ça fout cassette le vrai domination. Des manières, le peuple dans le moral, pour les hippodromes, ça fout patronal. Y'a des trois coupoles d'un journal, qui répètent la parole patronale. Quand le nerf, côté porte-monnaie, ça t'y perd la bec, laisse la quai. Never. année, mais c'est mesdames, sorti la fête, café son bacan. Pour la haute dans le rond discadère, mais demain je travaille pour d'un douleur. Après quand on rêve fini cassé, vous descendez magasin fait rouler. Si mettre même la scène dans ton pied, vous que dit magasin est maraté. N'importe quelles affaires, politique hypocrite, ça c'est l'histoire. Politique hypocrite, ça peignoire. La fête car comme un fête pour se battre. Et ça passe pas fini, on s'en va. Créole, il a révolté, toute la paillade donne macadam, et le contrôle de ces madames. Appel à tes mal débrouillés, comment créole, il a révolté, toute la paillade donne macadam, et le contrôle de ces madames. Comme la coconde Babylone, pas pour la forêt, que ça tire, donne l'avenir, la philomino, le père de la confiance, on est au maillot, rayonner, tire la scène dans ton pied. Radio Zaco sur Réunion Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Virginie Gabéraud de l'association UFC que je choisirai, Maître Nasser Zahir, avocat. Ce sont les experts du droit à la consommation sur la première. Virginie Gabéraud, pas mal de messages pour nous dire. Quelles sont les précautions à prendre, s'il vous plaît, puisque quand on sait que UFC que je choisirai est là, donc on profite pour poser la question. C'est lorsqu'on l'on fait un achat sur Internet. Comment éviter des pièges et comment savoir que c'est un site qui est sécurisé, qui est fiable surtout? Alors la première chose que je conseillerais, qui est un petit peu, qui est pas commune, c'est de rechercher déjà sur le site internet, de prendre le nom du site et de taper dans les recherches internet et voir un petit peu ce qui en ressort pour voir les avis. Souvent, il peut y avoir des arnaques et elles apparaissent dans le moteur de recherche. Donc c'est quelque chose d'assez simple mais qui peut être fait. Ce que je conseille aussi, c'est de regarder où le site est domicilié. Parce que là, ça change évidemment c'est tout. C'est-à-dire un exemple, quand vous parlez du domicile du site, c'est-à-dire... C'est-à-dire où est le siège social de l'entreprise, parce qu'en cas de litige, la législation et les recours vont pas être les mêmes pour un commerce qui est implanté en France, en Europe ou à l'étranger. Oui. Effectivement, c'est donc ça à regarder. Autre chose aussi d'un peu fastidieux, mais c'est de regarder un petit peu les conditions générales, les conditions de vente. Et c'est là justement qu'on peut voir aussi s'il y a un siège social ou s'il y a une antenne en France. Ce qui est quand même très important parce que sinon, effectivement, ça va réduire les recours des sites ou des commerces qui siègent dans des pays d'Amérique. C'est très compliqué. En France et en Europe, on arrive encore à gérer ce genre de litige, mais c'est quand même pas évident. Donc voilà, bien déjà voir où se situe le site, avoir un petit peu les avis, même si bon, il faut quand même prendre avec pondération ces avis qu'on peut trouver sur Internet, mais ça donne déjà une idée un petit peu du site et des recours qu'on peut avoir en cas de défaut de livraison, en cas de retard de livraison. Ouais, je pense à Eric, notre auditeur de tout à l'heure. 3 mois quand même qu'il patiente. Hein. Ouais. Voilà, moi, je pense qu'en 3 mois, le colis a le temps de partir et de revenir. Enfin, c'est quand même un délai qui est assez long. Donc, c'est pour ça que je dis que là, il faut vraiment intervenir. Donc voilà, moi, déjà par rapport à cette base-là. Et ensuite, effectivement, faire attention à tout ce qui est grosse promotion, prix très attractif. Quand on voit des téléphones à 100 ou 200 euros sur Internet, il faut un petit peu de réflexion et se dire que c'est quand même trop beau pour être vrai. Quoi. Ouais. Bon, alors écoutez, si vous avez fait récemment un achat sur Internet et que vous n'êtes pas sûr du site, vous avez laissé votre numéro de carte bleue, vous avez fait l'achat et tout, ça fait peur un peu, hein, Virginie Gabéraud. Oui, effectivement, surtout que par Internet, voilà, on donne ses coordonnées. Les coordonnées bancaires peuvent être interceptées, être utilisées de manière frauduleuse, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'enregistrement des données bancaires. On fait un achat sur un site et le site conserve les coordonnées bancaires et du coup ça permet de réutiliser ces coordonnées pour des frais X ou Y. Ça c'est arrivé même pour des contrats de location de véhicules. C'est arrivé des séjours à l'étranger où les personnes ont donné leur numéro de carte bleue et après ils ont conservé les coordonnées et ils ont redébité des sommes sur sur le compte. Donc bien faire attention, surveiller évidemment ces relevés bancaires pour voir s'il y a des achats qui ont été frauduleux sur le compte. Oui. Après, dans ce genre de problèmes bancaires, la loi est quand même assez en faveur du consommateur puisque du moment qu'il y a un achat frauduleux, qu'on avertit la banque assez tôt, généralement, ils bloquent le compte et la banque rembourse ses achats frauduleux. Donc, c'est quand même assez favorable aux consommateurs, mais il faut quand même faire attention à tout ce genre de choses. Oui, faites très attention. On attend vos questions, évidemment. Nous aurons tout à l'heure au téléphone Gilberte de Saint-Denis. Vous patientez, Gilberte, s'il vous plaît. Je viens vous chercher dans 30 secondes sur la première. Que dit l'avocat, alors, notamment pour ces histoires d'achat sur Internet? Maître Nasser, les statistiques disent Nasser que Zahir, c'est un contentieux en croissance. Beaucoup de gens se font avoir parce qu'il y a l'apparence d'une société qui est sérieuse, avec un site internet qui est sérieux. Mais comme le disait madame tout à l'heure, un site qui est situé en Ukraine, par exemple, ça va être compliqué après de faire jouer le droit européen parce qu'il y a quand même des directives européennes qui viennent intervenir. Mais le gros problème, c'est que c'est eux qui font bouger les lignes un petit peu, ces sociétés-là. Elles exploitent le droit de la consommation. À chaque fois qu'il y a une faille, elles essayent de compléter, de remplir cette faille en leur faveur, en faisant des contrats qui vont répondre en apparence à ce qu'exige la loi. Mais en même temps, c'est des pratiques commerciales. Ce qui est difficile à encadrer, c'est les pratiques commerciales. Et là, effectivement, avec des offres très alléchantes, on a des gens qui prennent pas de recul. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment se renseigner quand même. Il faut aussi regarder un petit peu sur les avis. Je trouve que c'est une très bonne initiative de faire ça. Parce qu'une fois que le mal est fait, c'est difficile. Il faut bien contrôler ses comptes bancaires. Parce qu'on a des délais. Quand on reçoit son relevé bancaire à la maison ou si on le reçoit sur Internet, on a un délai pour la banque pour faire des oppositions, pour s'opposer à un prélèvement. Si c'est fait en temps utile, effectivement, là, on peut obtenir le retour de l'argent. Mais si on laisse traîner son relevé bancaire, faut vraiment consulter ses relevés. Les experts sur la première, 02 62 99 2000. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Le club de la presse sur Réunion Première. Nous allons passer 3 quarts d'heure ensemble, voir ce qui fait l'actualité à La Réunion et puis le commenter avec nos confrères de la presse locale, presse écrite et presse en ligne. Le club de la presse tous les mardis à 18h15 sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Gilberte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Gilberte. Vous êtes sur Saint-Denis, c'est ça? Oui, sur Saint-Denis. Oui. Et moi, mon souci, c'est que j'ai une tombe, un caveau familial. Oui. Quand ma mère était vivante, elle est morte l'année dernière, ma mère. Quand ma mère était vivante, elle s'en occupait. Elle payait tous les frais, elle payait tout. Ouais. Et mon père est donc enterré dans ce caveau. Et maintenant qu'elle est morte, donc j'aurais voulu continuer à faire l'entretien du caveau. Oui. Et puis à, enfin voilà, entretenir quoi. Hein. Oui. Ouais. Et les frères ne sont pas d'accord avec moi parce qu'ils pensent que je vais m'octroyer le caveau pour moi toute seule. En quelque sorte, ce serait ce qui serait juste qu'il arrive si jamais j'arrive à mourir d'ici là. Mais est-ce que j'ai le droit de le faire avec cet objectif? Oui, alors, est-ce qu'il faut mettre tout ça par écrit? Est-ce qu'il faut consulter un notaire? Est-ce qu'il faut voir un avocat? Mais votre question est très intéressante, parce que je pense que d'autres personnes sont dans votre situation, Gilberte, et merci de poser la question. Maître Nasser Zahir, avocat. Alors, c'est vrai que c'est une question qui est... Les droits, en fait, pour une tombe familiale, hein. Alors, il y a une partie de ces questions-là qui relèvent du droit administratif, parce que c'est des concessions hein, qu'on a auprès des communes. Après, la question que pose madame, c'est une question de droit privé, donc c'est les rapports entre héritiers, donc les enfants du père qui est prédécédé, ensuite de la mère. Mais là, on l'a entendu, c'est que ses frères ne sont pas d'accord. Ouais. Voilà. Alors, c'est très souvent, il y a rarement une unanimité. Mais là, c'est la règle. C'est un bien mobilier, par certains côtés, le droit de concession, mais en même temps, c'est un bien immobilier, parce que c'est dans la terre. Donc, c'est un bien immobilier. D'accord. Donc, là, c'est les mêmes règles, que ça soit une tombe ou une maison de 1000 mètres carrés, c'est la règle des deux tiers. Hein. Il faut avoir la majorité. Des frères et sœurs. Donc, s'il n'y en a qu'un seul qui résiste et qui s'y oppose, on peut quand même prendre des décisions parce qu'on réunit les 75%. Après, on peut toujours seul prendre des mesures d'entretien. Parce que l'unanimité, enfin la majorité applicable pour les biens, les actes dits de disposition, quand on va faire quelque chose, on va vendre, on va... Mais quand il faut simplement entretenir, c'est des actes de conservation, quelqu'un seul peut le faire. Il faut simplement qu'il justifie que ce qu'il a fait est dans l'intérêt de la succession. S'il faut nettoyer, s'il faut prendre une assurance, s'il faut prendre des mesures conservatoires, on peut le faire seul. Mais on a des comptes à rendre ensuite à la succession. Voilà. Il y a simplement quand on veut s'attribuer, par exemple... Prendre quelque chose qui est commun et puis se l'attribuer, c'est possible, mais il faut l'accord des autres. Et si on obtient un accord à 75%, ça peut être acté devant notaire. Si on n'obtient pas cet accord, ben ça sera un juge de trancher. Quand les gens sont en désaccord, ben, il faut recourir à un tiers. Et ce tiers, le plus souvent, ben, c'est le juge. À UFC que choisir, vous avez eu ce genre de questions, Virginie Gabeyrou? Oui, ça revient très souvent des problèmes de succession de ce genre de choses, effectivement. Gilberte? Oui. Alors j'aimerais bien savoir pour payer le droit de succession, parce que c'est un caveau qui a été, accéder il y a 1878, il me semble. Oui, oui. Donc, personne n'a octroyé ce droit sur ce caveau. Ma mère, elle s'en est occupée parce que papa était dedans. Non. Et à la mort de maman, moi, j'ai mis ma mère avec mon père parce que c'était sa dernière volonté. Les frères étaient d'accord. Mais juste après, ils ont réalisé que... Parce que j'avais dit que j'aurais bien aimé être enterrée avec mes parents. Et c'est là que les oppositions se sont élevées. Que doit faire... Gilbert. Voilà. C'est une question qui est pas simple. Il y a des réponses à cela, bien sûr, mais il y a quand même des droits concurrents sur ce caveau. Elle doit se rapprocher d'un notaire, d'un avocat. Oui, d'un notaire, parce qu'il y a quand même une évaluation à faire dans la succession. D'accord. Le notaire a son mot à dire sur cette évaluation et sur les droits de chacun. Je pense que c'est le premier interlocuteur dans ce genre de situation, ça sera le notaire. Gilbert, voilà. D'accord, j'ai entendu. Consulter un notaire, et puis on revient vers vous dans quelques semaines. D'accord, je vous remercie. Pour savoir si votre dossier a avancé, si ça aboutit à quelque chose, d'accord? Je vous remercie. À très bientôt, merci. Au revoir. Je vais saluer au téléphone Noël de Saint-Denis. Bonjour Noël. Oui, bonjour. Bonjour. Noël, alors, vous souhaitez réagir sur le service après-vente. Vous restez avec nous, s'il vous plaît, sur Réunion Première. On vient vous écouter juste après la génération Goldman. Et puis, les questions, ça continue au 02 62 99 2000. Il vous reste moins de 10 minutes pour contacter Mathias. Et puis, par SMS au 06 92 70 2000. Nous sommes en compagnie de Virginie Gabérou de UFC Que Choisir et Maître Nasser Zahir, qui est avocat. Sur une arme, les doigts noués. Pour agresser, serrer les poings. Et nos paumes sont pour aimer. Y'a pas de caresse en fermant les mains. Longue jointe en une prière. Bien ouverte pour acclamer. Dans un point, les choses à soustraire. On ne peut rien tendre, les doigts pliés. Quand on ouvre nos mains, il suffit de rien, dix fois rien. Suffit d'une ou deux secondes, à peine un geste, un autre monde. Quand on ouvre nos mains, mécanique, simple et facile. Vanity métacarpien. Des phalanges au tendon docile. Tu relâches ou bien tu retiens. Et des ongles faits pour griffer. Tout ce bout du mauvais côté. Celui qui menace ou désigne. De l'autre on livre nos vies dans des lits. C'est un peu comme ça ici à Réunion Première, dans l'émission Les Experts. On vous prend par la main, on vous accompagne, on vous écoute et puis on répond surtout à toutes les questions. Noël est avec nous au 02 62 99 2000. Les Experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Noël, qu'est-ce qui s'est passé pour dire qu'il y a un meilleur service après-vente en métropole qu'à La Réunion ? Oui, alors... Mais pourquoi vous dites ça ? J'ai été installer mon fils en métropole. Oui. Et par erreur, j'ai acheté en double. Alors attention, attention, ne citez pas de magasin pour éviter. Non, non, non. D'accord, s'il vous plaît, merci. J'ai été en métropole installer mon fils et donc j'ai acheté en double un produit électroménager. Je suis retourné dans un des magasins et avec le ticket de caisse et restitué le produit que j'avais acheté en double. Ils m'ont demandé, j'ai dit, bon, voilà, c'est cause double emploi, j'ai fait une erreur, j'ai acheté en double. Vous avez acheté en double? Ils n'ont fait aucune... Oui. D'accord. Mais pas dans le même magasin, quoi. Ouais. J'ai acheté deux grippins, mais à des magasins différents. Alors, je veux bien vous racheter l'autre, alors, le second. Donc, j'ai été restitué, le dernier que j'avais acheté. Et ils n'ont fait aucun souci, aucun problème. Ils m'ont remboursé intégralement. Non. Ils m'ont juste demandé pourquoi je ramène le produit. J'ai dit, ben voilà, j'ai pas fait attention, je suis en train d'installer mon fils et j'ai acheté en double. Ouais. Ils ont fait aucune difficulté. Ils m'ont rembourser intégralement le produit. C'est très bien. C'est... Alors, quand... je dis bravo. Hein. Alors qu'ici, quand vous avez un souci pareil, on vous impose un avoir. Comment ça, pas un bon d'achat. Oui, un avoir. Disait l'avocat. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Voilà, on vous impose un avoir. On nous impose. Voilà. Ouais. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est légal? Est-ce que la loi est différente là-bas? Je ne sais pas. Virginie Gabéro, de l'association UFC Que Choisir, il pose cette question suivante, notre auditeur Noël. Donc la loi déjà est applicable partout en France et de la même manière. On est en France ici. Voilà, tout à fait. Oui. Donc le problème là, c'est plus un problème, pas de service après-vente, mais vraiment de geste commercial, parce que vous vous rendez en magasin pour acheter un produit. Donc déjà, il n'y a pas de délai de rétractation. Vous achetez ce produit et donc si pour telle ou telle raison, vous ne voulez plus de ce produit, il n'y a aucune obligation à ce que le commerçant vous reprenne le produit. Oui. C'est seulement à son bon vouloir. Donc effectivement, il y a des commerces qui acceptent le retour des produits sous certaines conditions, mais c'est vraiment leur bon vouloir et c'est indiqué généralement sur l'étiquette caisse, sur les conditions générales. Mais il n'y a vraiment aucune obligation à reprendre un produit. Si, effectivement, le produit ne présente pas de défaut, d'anomalie ou autre chose. Oui, Noël, que dit l'avocat? Attendez, Noël. Oui. Ce que vient de dire Virginie est tout à fait vrai. En fait, une vente est définitive. La vente est définitive. Voilà. Donc c'est vraiment un titre commercial, parce qu'en même temps, les consommateurs, ils peuvent se tromper, comme ce monsieur, ça arrive assez facilement. Ça arrive. Si on le reposait de manière un peu rigoureuse, que la vente est définitive, le client serait mécontent et le consommateur n'en reviendrait pas. Donc pour des raisons d'aspect commercial, on reprend le produit lorsque l'achat était récent et que l'emballage est toujours d'origine. Et l'avoir, c'est un intermédiaire entre le geste commercial parfait et la reprise, et en même temps le refus, qui serait juridiquement pas infondé. Il serait commercialement désastreux, mais il ne serait pas infondé, parce qu'une vente est définitive, sauf lorsqu'on a une faculté de rétractation, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est une vente au comptant qui s'est faite dans un grand magasin. Voilà. Mais je comprends l'énervement de... Noël. Oui. On a donné un petit peu la version ici sur Réunion Première, donc... Bon, dans le cas où vous avez pu, en fait, ça s'est bien passé avec ce commercial, enfin ce magasin, donc tant mieux, très bien, très bien. Mais moi je m'étonne pour les avoir, quoi. Vous avez 2 mois. Si dans les 2 mois vous avez rien acheté dans ce magasin-là, c'est perdu, quoi. Moi, je viens de métropole et je peux vous dire que récemment, j'ai eu ce problème-là dans une grande enseigne qui m'a fait un avoir. Ouais. Donc, ça dépend des enseignes et de la politique commerciale qu'ils ont, quoi. D'accord, Noël. Merci bien à vous. Merci. Merci à vous. À très bientôt sur Réunion Première. Merci encore. Bonne journée. Au revoir. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Benjamin du Tampon, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Benjamin. Le tampon, il fait bon, il fait frais. Il fait bon, il y a du soleil, il fait bon. Alors, Benjamin. Voilà, moi c'est pour, une question des impôts, concernant les impôts. Oui. Et c'est que ma mère qui a un certain âge, ouais. Et je dirais elle est presque des 100 ans, et donc elle a l'usufruit sur sa maison. Oui, oui. Et donc, taxe foncière, je dirais, hein. Elle paye la taxe foncière. Ouais. Est-ce qu'il y a un âge limite pour payer cette taxe ou alors... et comme elle a un héritier indirect, donc, comment dire, qui est-ce qui doit payer ces impôts-là? Alors, avant de laisser la parole aux experts, je voudrais vous dire, Benjamin, et je dis aussi à tout le monde qui écoute Réunion Première, que lundi, entre 10h15 et 11h30, nous aurons les experts des finances publiques pour parler de la taxe foncière. Lundi ? Ah oui, ce lundi. Ah, ok. Mais bon, vous avez pris les devants. Okay. On est là aussi pour vous rendre service, donc répondre aussi à votre question. Oui, voilà. Maître. Alors, c'est une très bonne question. Je pense que les gens qui seront... On la garde pour l'année prochaine pour les experts. Je pense qu'il y aura peut-être une réponse un peu plus précise. Parce que si vous voulez, bien sûr. Il y a eu, à une certaine époque, si vous voulez, des exemptions de taxes à partir de 75 ans. Mais ça a bougé en fonction des époques et aussi des lieux. Alors, le principe, c'est que l'usufruitier, c'est celui qui jouit de l'immeuble. Hein, donc, celui qui y habite. Donc, par principe, celui qui y habite paiera la taxe d'habitation. D'accord. Et le propriétaire, donc le nu propriétaire, lui paiera, si vous voulez, les autres impôts fonciers. Voilà, la répartition, c'est celle-là. Après, pour les âges et des exemptions, je préfère que ça soit des gens qui soient plus spécialisés, qui viennent vous apporter la réponse la plus récente. Bah alors, si vous voulez, Benjamin, je peux donc vous rappeler lundi. Allô ? Oui. Benjamin, oui, voilà, parce qu'il y aura les experts des finances publiques. Donc, on pourra vous appeler et puis poser votre question avec nos experts, d'accord ? D'accord. Ça sera... Je vous laisse un numéro de téléphone ou comment on l'a, déjà. Ah, ok. Ah oui, on a déjà. Super. On a Mathias. On note qu'on rappelle Benjamin la prochaine fois, d'accord ? Voilà, merci Benjamin, bisous, à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Alors, il y a Mickaël qui dit, Mickaël de Saint-Denis, j'ai loué une voiture pour un week-end. Le deuxième jour, je me suis aperçu que le contrôle technique était obsolète. J'ai des difficultés à me faire rembourser. Comment faire ? Virginie Gabéro, Dieu sait que choisir, et Maître Nasser Zahir, avocat, pour répondre à notre auditeur Mickaël de Saint-Denis. Donc ça signifie qu'il a fait passer le contrôle technique du véhicule, oui. Puisque s'il souhaite se faire voilà, rembourser... Voilà, il ne dit pas tout là dans cette histoire, c'est qu'il a loué la voiture pour un week-end, le deuxième jour, je me suis aperçu que le contrôle technique était obsolète, voilà. Oui, donc effectivement... Il a dû donc passer le contrôle technique, mais... Ouais. Je suppose dans... Ouais. S'il demande le remboursement... Voilà, comment faire pour se faire rembourser auprès de la société de location. Moi j'ai compris qu'il demandait le remboursement de la prestation de location. J'ai loué une voiture. Alors, Mickaël, soyez plus précis dans votre question, s'il vous plaît. Vous avez compris ça comme ça ? Moi, j'ai compris que, comme le véhicule avait été loué sans avoir toutes les conditions pour circuler, notamment un contrôle technique, eh bien, il demandait le remboursement de la prestation de location. Voilà. C'est ce que j'ai compris. Mais si c'est autre chose, effectivement, s'il a procédé au contrôle technique de sa propre initiative... Oui, alors vous travaillez donc Mickaël, c'est un peu difficile pour en savoir un peu plus, parce que c'est vrai que le message, j'ai loué une voiture pour un week-end, le deuxième jour je me suis aperçu que le contrôle technique était obsolète, j'ai des difficultés à me faire rembourser. Dans tous les cas, il peut quand même obtenir le remboursement, effectivement le contrôle technique c'est quand même un élément essentiel du contrat, donc rouler sans contrôle technique c'est... Bon, mis à part l'obligation légale, c'est aussi sécurité, c'est ça, au niveau. Si donc je pense que s'il est contrôlé par les forces de l'ordre, il n'a pas le contrôle technique. Dans le cas où il a passé le contrôle technique, il peut déjà obtenir le remboursement et voire même le remboursement de la location pour justement une obligation qui n'a pas été respectée. Je suis assez d'accord. Il va pouvoir arriver à contraindre. Avant de se quitter, dites-nous, rappelez-nous, s'il vous plaît, pour les auditeurs de Réunion Première, les droits essentiels du consommateur, les droits, les devoirs et aussi comment faire valoir ces droits. Virginie Gabéro. Je dirais dans un premier temps, même si c'est fastidieux, et de lire les contrats, tout document où on appose sa signature, puisque la signature engage la personne. Du moment que le document est signé, là ça va être quand même beaucoup plus compliqué, mais vraiment, voilà. Et s'il y a des difficultés de compréhension ou de lecture, essayez de se faire assister par des personnes, même par un entourage, pour essayer de voir un petit peu... le contenu du contrat auquel on s'engage. Et globalement, s'il y a des questions juridiques, il y a quand même des personnes qui sont là pour conseiller, pour aider. Donc les associations de consommateurs telles que la nôtre, des avocats, des permanences juridiques gratuites un peu partout, justement pour essayer de rendre accessible le droit et de faire comprendre aux gens les droits, mais aussi les obligations. Rendre accessible le droit, c'est ça ? Oui. rendre accessible le droit. Ça, ça peut être une belle conclusion. Maître Nasser Zahir, avocat. L'avantage du code de la consommation, c'est que par rapport à d'autres domaines de la vie courante, les contrats sont un formalisme. Il y a un formalisme, on impose des informations. Donc ça, c'est un point important, mais il faut les lire, ces informations. Et surtout, il faut se méfier des achats compulsifs. Parce que le droit protège le bon père de famille, la personne qui est raisonnable et qui va réfléchir. Si on fonce en suivant une impulsion, eh bien, on ne sera pas protégé par droit, parce qu'on dit vous auriez dû procéder à un minimum de recherche et un minimum d'informations. Vous reviendrez sur Réunion Première. Vous êtes les experts du droit à la consommation, évidemment, de la consommation. On en parlera la prochaine fois aussi. On répondra à toutes les questions également au 02 62 99 2000. À très bientôt, Maître Nasser Zahir, avocat. Et merci également merci à Virginie Gabéraud de l'association UFC Que Choisir. Et pour joindre UFC Que Choisir, vous composez le 02 62 45 24 44. 02 62 45 24 44 pour UFC Que Choisir. À très bientôt sur Réunion Première.

brisé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait. Midi moins 10 sur la première, les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Madame Armino Ernestine, dite Tina. Madame Armino Ernestine, décès survenu à l'âge de 76 ans, domicilié au 18 rue des Marquis, lotissement Les Rosiers à Saint-Denis. La veillée se fait au centre funéraire de Prima. La bénédiction aura lieu le vendredi 7 octobre à 15h en la chapelle du centre funéraire de Prima, l'inhumation au cimetière de Bois-Rouge à Sainte-Marie. Décès de Monsieur Séverin Joseph Norbert. Monsieur Séverin Joseph Norbert, décès survenu à l'âge de 65 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 13, chemin Ibar à Tonrouge à Saint-Gilles-Léo. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Monsieur Folio Valentin. Monsieur Folio Valentin, décès survenu à l'âge de 95 ans. Le convoi sortira du 4 rue Boisblanc à Vincent-Doux-Saint-Joseph. Aujourd'hui, mardi 4 octobre à 15h30, la bénédiction se fera en l'église de Vincent-Doux à 16h, l'inhumation au cimetière de Vincent-Doux. Décès de Monsieur Lambino, Johnny Daniel. Monsieur Lambino, Johnny Daniel, décès survenu à l'âge de 46 ans. Le convoi sortira du centre funéraire sud. Aujourd'hui, la bénédiction se fera en l'église de Saint-Louis, l'inhumation au cimetière de Saint-Louis. Décès de Madame Mercher, Jeanne Léonard Néboyer. Madame Mercher, Jeanne Léonard Néboyer, décès survenu à l'âge de 89 ans. La veillée se tient en chambre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie. La bénédiction aura lieu aujourd'hui en l'église de Bois-Rouge, donc le funérarium de Bois-Rouge, suivi de l'inhumation au cimetière de Sainte-Marie. Décès de Madame Zoakina née Ishiza Imao Leone. Madame Zoakina née Ishiza Imao Leone, décès survenu à l'âge de 88 ans. Le recueillement se tient à son domicile au numéro 33, rue des Violettes à Saint-Gilles-Léo. La bénédiction se fera à 15h aujourd'hui en l'église de la Chapelle Pointue, suivi de l'inhumation au cimetière de Villèle. Décès de Monsieur Valincourt Cyril, décès survenu à l'âge de 56 ans. Le convoi sortira du centre funéraire sud aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Notre-Dame du Rosaire à la rivière Saint-Louis à 15h. L'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Raymond André Isnard, décès survenu à l'âge de 54 ans. Le convoi sortira du centre funéraire Prima. Un discours biblique prononcé par un pasteur de l'église adventiste du 7e jour à la montagne aura lieu à 15h au centre funéraire de Prima, aujourd'hui mardi 4 octobre, suivi de l'inhumation au cimetière de Prima. Décès de Madame Grézé, Marie-Émilienne, née Calimona, dite Tantine Bénédicte. Madame Grézé, Marie-Émilienne, née Calimona, dite Tantine Bénédicte. Décès survenu à l'âge de 98 ans. Le convoi sortira de son domicile au 17, route de la Rivière des Pluies, appartement 31, commune Prima, Saint-Denis. Aujourd'hui, mardi 4 octobre à 14h30, la bénédiction se fera en l'église de la commune Prima à Saint-Denis à 15h. L'inhumation au cimetière de Saint-André. Elle décède de Madame Veuve, Céline Baye, Julien, née Mariaille, Anita, dite ma tante Tiffy. Décès de Madame Veuve, Céline Baye, Julien, née Mariaille. Décès survenu à l'âge de 95 ans. Le convoi sortira de son domicile au 57. SIDR, Les Lilas à Saint-André. La bénédiction aura lieu aujourd'hui en l'église de Saint-André à 15h30. L'inhumation au cimetière de Chamborne. Le décès de Madame Bazin Nicole, décès survenu à l'âge de 58 ans. Le convoi sortira de la chapelle ardente du Tampon. Aujourd'hui à 14h30, la bénédiction se fera en l'église du Tampon, l'inhumation au cimetière du Tampon. Et le décès de Madame Gigant Rita Lucille, domiciliée au 36 rue Jean-Jacques Rousseau, 3 Mars au Tampon. Décès survenu à l'âge de 87 ans, la bénédiction est pour l'inhumation. Pour le moment, donc, les dates et heures ne sont pas encore communiquées. Réunion première présente aux familles endeuillées, ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Veolia qui informe ses clients de la commune de Sainte-Suzanne que suite aux dernières pluies, il a été constaté une augmentation de la turbidité de l'eau sur les secteurs alimentés par les réservoirs suivants. Donc sur Sainte-Suzanne, réservoir Bellevue, le réservoir Le Bras d'Ouillère et réservoir Valérie. Les abonnés doivent prendre la précaution de ne pas consommer l'eau. Il est conseillé d'utiliser de l'eau en bouteille ou à défaut de porter à ébullition l'eau du robinet et la faire bouillir pendant 3 minutes avant de la consommer. Le maire de la Plaine des Palmistes qui informe ses abonnés du secteur du 1er, 2e et 3e village ainsi que le secteur de la Petite Plaine qu'en raison de la dégradation de la qualité de l'eau, il est conseillé de faire bouillir l'eau pendant au moins 3 minutes avant toute consommation. Et puis ce communiqué de l'association ADN 974, la Mutualité de la Réunion et son partenaire la Semader, qui vous informe un dépistage du diabète qui aura lieu le jeudi 6 octobre aux 2 rue Pitel, résidence de la Semader, c'est à Sainte-Clotilde, de 8h à 11h30. Collecte de sang de l'EFS prévue pour demain, mercredi 5 octobre. C'est à la SEM Tamarone de la Saline-les-Bains de 9h à 13h et puis à Monsieur Bricolage de Saint-Pierre de 9h à 13h. Tu peux l'appeler d'un seul regard.